Bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Bonjour et bienvenue dans Holiday Mix, session deep et warm-up. Aujourd'hui, ambiance lounge, tendance début de soirée avec de bonnes vibrations, jazzy et soulful. Parmi les voix qui vont égayer vos oreilles durant les 60 prochaines minutes, vous entendrez Don Tolman, Andrea Love ou encore le Sunburst Band de Joy Negro avec une nouvelle version de leur titre Everyday. Il y aura également le nouveau Hayden the Funky Child avec You Know It's Good, et côté deep house, vous entendrez Sometimes, le nouveau Copyright avec le sample de Vera Hall qui avait également été utilisé par Moby il y a 14 ans. Sur la ligne de départ de ce Holiday Mix, voici Alex Metric qui s'est amusé à retravailler un sample d'Alexander O'Neill sur ce Rave Weapon. Vous êtes sur Holiday Mix et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent voyage musical. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. We'll be right back. We'll be right back. 100% clubbing avec Monsieur Cortez. Holiday Mix.

Be only good. We'll be right back. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, Salvador. A terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador. A terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador. A terra do nosso Senhor, nosso Senhor do bom fim. São Salvador, Bahia de São Salvador. A terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador. São Salvador, Bahia. São Salvador, Bahia. São Salvador, Bahia. Oh! Holiday Mix. Holiday Mix. Avec Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. When the darkness falls and I feel alive, when the time will come forever mine, when the darkness falls and I feel alive, you're forever.